Je ne veux plus parler de ce vide entre nous. J'ai purgé ma peine, c'est de l'histoire ancienne. J'ai tenté ma chance, tu as joué tes atouts sans aucun regret. Les jeux étaient faits. C'est la loi du plus fort. Moi je m'incline encore. Et derrière la victoire, je lis ton histoire. J'étais dans tes bras, j'avais trouvé ma place. Je me sentais de taille à bâtir des murailles. Bâtir un abri sans peur du temps qui passe. Je me suis trompée, j'aurais dû tricher. Les dieux s'en fichent pas mal, ils n'ont pas de morale. Et quelqu'un sur la terre je m'incline encore. C'est facile à comprendre, j'aurais dû apprendre. Mais dis-moi si sa peau brûle autant que la mienne. Si contre son corps ton cœur bat plus fort. J'ai gardé de toi ce venin dans mes veines. Que pourrais-je y faire? Les règles étaient claires. Les dieux tiennent mon destin dans le creux de leurs mains. Quand on est spectateur, la désir demeure. La partie recommence. Je m'en remets au sort, à la loi du plus fort. Je ne peux plus parler sans que monte le chagrin. Et j'ai bien compris, on reste bons amis. Je suis désolée, je n'ai plus les cartes en main. C'était joué d'avance, j'ai perdu confiance. Mais tu sais, c'est la loi du plus fort.